Voilà, ça a commencé. Ça fait à peu près quelques minutes que ça a commencé et donc ça va durer environ quelques heures. Voilà, c'est, je sais. C'est beau, c'est du grand art. Je dirais même que c'est de la grande tare. Allez, appréciez tout le monde, la grande et belle musique. Je ne peux m'empêcher de faire un commentaire. Vous entendez donc les vibrations sonores qui sont autour de vous et actuellement en face de vous. Vous oubliez d'avancer et vous oubliez qui vous êtes. Voilà, c'est ça le but de l'émission, s'oublier. Censé m'entendre? Je préfère pas trop m'entendre en fait. C'est m'entendre? Je préfère pas trop m'entendre en fait. C'est m'entendre? Je préfère pas trop m'entendre en fait. Je préfère pas trop m'entendre en fait. Je préfère pas trop m'entendre en fait. Je préfère pas trop m'entendre en fait. Je préfère pas trop m'entendre en fait. Je préfère pas trop m'entendre en fait. Je préfère pas trop m'entendre en fait. Je préfère pas trop m'entendre en fait. Je préfère pas trop m'entendre en fait. Je préfère pas trop m'entendre en fait. Je préfère pas trop m'entendre en fait. Je préfère pas trop m'entendre. Eh ben, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Je préfère pas trop m'entendre en fait. En fait, je préfère.

Je préfère pas trop m'entendre en fait. Il est 21h30, donc c'est l'heure d'aller boire un coup, quoi. En se pendant. Ça fait chier quand mes potes ils sont pas venus, alors je me suis dit tiens, je vais faire l'émission, ça me fait vraiment chier, je suis désolé quoi, de vous le dire comme ça, mais voilà quoi, je préférais l'argent me casser, me bourrer la gueule, me casser une jambe en prenant un trip ou je ne sais quelle autre drogue psychédélique que de venir ici quoi, que de m'exprimer quoi, parce que ce pays c'est de la merde et je l'encule, mes parents c'est des enculés aussi, Et mes potes, ben ça va, ils sont plutôt sympas quoi, donc je vais pas les enculer, pas encore, avant qu'ils deviennent mes ennemis, je veux dire. Donc une fois qu'ils seront mes ennemis, je les enculerai quoi, tu vois. Mais par contre, tant que c'est mes potes, je les encule pas, tu vois. C'est comme ça qu'on fait. Alors moi, ce que je me suis dit, c'est que tiens, je vais faire l'émission, comme ça je vais me faire chier. Et en fait, non quoi, c'est, je me fais pas chier, c'est ça le problème quoi. Donc je me dis, il y a un problème, tu vois, il y a un problème. Il faut absolument que je trouve la solution. Et donc je me suis dit, ce matin, en me levant, on va te faire enculer, t'es qu'un gros bâtard, tu mérites de crever. Et je dis ça à mon père dans ma tête. Et je l'encule, mon père dans ma tête. Parce que c'est un bâtard, c'est un fils de chien, un fils de rien, un fils de rut. Et ce mec, tu vois, il est barbu, il pue de la gueule, tu sais. Un dentier, tu sais. Il y a des hémorroïdes, il pue du cul, il pue du cerveau, tu sais. Il pue de l'esprit, c'est un enculé, quoi. Mon père, c'est un bâtard. Ma mère, c'est une pute. Une pute parce qu'elle vend son corps et son fric à mon père et à son fils de merde qui l'encule, la preuve. Donc vous voyez, quoi. Ce que je veux dire, c'est que les gens, eh ben, j'en ai rien à foutre, je les encule. D'ailleurs, ils me rendent bien, et ceux qui ont commencé d'ailleurs. Alors, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que allez vous faire enculer, c'est ça, allez vous faire enculer les uns les autres. L'amour, c'est ça, c'est s'enculer les uns les autres. Jésus, il a dit, enculez-vous les uns les autres, pendez-vous à une croix les uns les autres, vous vous aimerez comme ça. Parce que qui aime bien, châtie bien. Je préfère pas trop m'entendre en fait. Ouais, qui aime bien châtie bien. Je préfère pas trop m'entendre en fait. Qui aime bien châtie bien. Châtre bien même. Et stérilise aussi avec des scalpels et des bistouris. Donc je me suis dit ce matin, en me levant, tiens, ça y est, je vais stériliser le monde humain. Le monde humain de merde qui mérite de crever, les enculés, les bâtards, les fils de fiant, les fils de chiant, les fils de chiant, les fils d'enculés, de bâtards de merde. Et les enculés, de bâtards de merde eux-mêmes. Tous et toutes, ils méritent de crever et je mérite de crever aussi. Je me suis dit ça. Et je me suis dit, comment faire? Eh ben, il faut les stériliser. Je préfère pas trop m'entendre en fait. Stériliser tous ces connards, toutes ces connasses de sous-humains, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, alors on prend les sous-humains et on les stérilise parce qu'ils méritent de crever, ces merdes. Ouais, parce qu'on travaille pour du fric, nous on a autre chose à foutre que de perdre du fric sur des connards et des merdes et des enculés de salopes de putes. Tu vois ce que je veux dire? Nous ce qu'on veut, c'est un état libre et égaux en droit, tu sais. Il faut que tout le monde soit pareil. T'entends? Non, vaut mieux pas s'écouter dans ces cas-là parce qu'il n'y a rien à dire. Tu vois, ta gueule. C'est une question de respect. Ouais, c'est ça, c'est le respect. En fait, le respect c'est important, tu vois. Parce que le cul, quoi. La baise. En fait, le respect, c'est de pas parler de cul, quoi. Face à la meuf du mec. Parce que la meuf, elle pourrait être gênée, tu sais. Et que le mec aussi, tu sais. Mais le mec, lui, il est gros et fort. Et il va te tabasser la gueule. Parce que c'est un vrai et dur mec. Je préfère pas trop m'entendre, en fait. Alors, la meuf que vous entendez, je l'encule, quoi. C'est une pouffe. Une grosse aspect de merde. Pour ça, je me fous de sa gueule, quoi. Je préfère pas trop m'entendre, en fait. Ouais, bah tant pis. Écoute-toi d'abord. Tu t'es vu? Je veux dire, tu t'es entendu, tu sais. Je préfère pas trop m'entendre, en fait. Ou peut-être un peu, je sais pas, plus m'entendre, en fait. Ou peut-être un peu, je sais pas, peut-être si je me recule. C'est ça, avance et recule et tu verras ce qui t'arrivera. Ou peut-être un peu, je sais pas, peut-être si je me recule. M'exprimez-vous les gens, franchement, sincèrement. Exprimez-vous. Non, encule-toi, ne recule pas, encule. Non, encule, t'as pas compris en fait, je répète encore. D'accord, bah. On va te faire reculer là. Ou peut-être un peu, je sais pas, peut-être si je me recule. Non, il va te faire enculer. Ça dépend pourquoi en fait. Comme ça tu seras satisfaite. Ça dépend pourquoi en fait. Ça dépend pourquoi en fait. Vas-y. Exprime-toi. Ça dépend pourquoi en fait. Peut-être si je me recule. Bah, peut-être si je me recule. Ça dépend pourquoi en fait. Ça dépend pourquoi en fait. Ça dépend pourquoi en fait. Ça dépend pourquoi en fait. Ça dépend pourquoi en fait. Ça dépend pourquoi en fait. Ça dépend pourquoi en fait. Ça dépend pourquoi en fait. Ça dépend pourquoi en fait. Ça dépend pourquoi en fait. Ça dépend pourquoi en fait. Ça dépend pourquoi en fait. Ça dépend pourquoi en fait. Ça dépend pourquoi en fait. Ça dépend pourquoi en fait. Non, moi je suis contre. Entièrement contre. Non, moi je suis contre en fait. Entièrement contre. Contre. Contre, contre, contre, contre, contre, contre, contre, contre, contre. De son, il n'y en a pas, c'est tout la même chose, c'est du son, c'est ça le bruit, c'est le son. Entre nous tous, c'est l'élimination, la tuerie infernale, la mort. Parce que sinon, on n'a pas de point commun. Aucun, à part le corps. Et l'esprit et blablabla. Donc, puisqu'on va mourir, mourons, seuls. Allez vous faire enculer, vous croyez que je vais mourir avec vous, bande de merde. Mais vous êtes vraiment que de la merde, quoi. Jusqu'au bout, tu sais. Mais allez vous faire enculer, vous comprenez ? Par quelqu'un d'autre. Enculez-vous vous-même, tu sais. Vous voyez ce que je veux dire ? Puisque vous enculez les autres, prenez plaisir à ça. Et enculez-vous vous-même maintenant, les gars, les gens, les filles, les mecs, les meufs. Tout ça, c'est merde. Enculez-vous vous-même. Vous entendez ? Et enculez-vous les uns les autres. Et sans moi. Rien à foutre de votre merde. C'est vous la merde. C'est vous les ratés. Vous avez du fric, c'est tout ce que vous avez. Vous méritez la mort, et ça vous l'aurez. Et ben bien fait pour votre gueule, bon débarras. Non mais, qu'est-ce que vous croyez ? On est à la radio ici, c'est du live, c'est nuisance, l'émission de nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Et ben non, y a pas toutes les nuisances, y a pas vous, t'sais. Et vous, vous êtes la pire des nuisances, vous êtes de la merde, vous entendez ? Et sentez-vous visé, vous vous améliorerez comme ça. De taré. C'est le French cancan qu'on danse. C'est une nuisance. Sur Canal Sud 92. 93.9 FM ou canalsud.net. Nuisance, l'émission qui vous encule. Qui vous emmerde, qui vous chie à la gueule. Parce que c'est tout ce que vous méritez, vous les riches. Et les pauvres cons. Et les tâches aussi. Et les vraies tâches, pas les fausses tâches. Qui sont dites des tâches. Non, les vraies tâches. Ceux qui sont là-haut, c'est eux et elles les tâches. Qu'ils et elles crèvent dans de grandes souffrances et seuls, seuls, comme nous les pauvres cons, les pauvres tâches, les pauvres excréments de riches, enculés, enculeurs de mouches, crevez les abcès purulents que vous êtes. Vous êtes de la merde, vous allez en boîte là. Vous tapez votre base, votre coque de merde avec votre fric pourri. Vous êtes de la merde, vous entendez là, tous ceux qui passent là sur cette antenne, qui vont aller en boîte là, se taper une prostituée ou payer des coups à la meuf pour la violer, c'est avec du GHB. Tous ces enculés là, qui crèvent dans de grandes souffrances, et seuls, comme moi, dans de grandes souffrances, et seuls, je vous encule. Celles qui croient que le fric c'est tout. Quand elles auront du fric, elles auront des enfants qui seront beaux et jolis parce que le mec il est riche. Et ben allez vous faire enculer pareil quoi. Prenez votre cul et foutez-le sur un, je sais pas, un barreau de chaise. Vous renversez la chaise, vous foutez dans le cul quoi. Et vous enfoncez jusqu'à la tête. Que vous n'avez pas d'ailleurs. Parce que vous puez de la gueule. Pas besoin de se brosser les dents pour sentir bon de la bouche, vous savez. Bouddha l'a dit. Oui, Bouddha Sakyamuni l'a dit. Il a dit, si vous voulez sentir bon de la bouche, ne mentez pas. Surtout pas à vous-même, bande de connards de merde, de connasses de merde. Enculez-vous les uns les autres, qui disait. Renculez-vous les uns les autres, qui redisait. Il y a un grave souci, là. Vous. Alors castrez-vous, stérilisez-vous de force, pas de gré, parce que vous n'avez aucune grétude, vous ne savez pas ce que vous le faites exprès en plus, de ne pas savoir. Mourez les ignorants, les imbéciles, heureux ou malheureux, on s'en fout, les médiocres comme mon père, une sale robe de merde que j'encule à sec. Ma mère, qu'elle suce mon père en se masturbant l'anus et en lui prenant tout son fric, en l'avalant même son fric, en son gros bide qu'elle remplit avec de la graisse de porc. Et le géniteur, il vaut pas mieux. Lui, il suce le banquier pour avoir plus de fric, pour pouvoir garder son précieux fric, le fric. C'est tout ce qu'ils pensent. C'est des enculés, tous ces gens-là. Tuez-les avec moi. Tuez-les. Tuez-les. Élimination totale et subséquente. Inconséquentielle. Car de l'esprit. Des enculés. Et des enculeuses. Et des enculeurs. Des enculés, eux, de mouches. Enculez-les, qui disaient. Enculez-les, qui disaient. Tuez-les tous et toutes. Tuez-vous vous-même, vous les riches. Les riches cons, les riches merdes, les riches puanteurs pourris. Tuez-vous. Suicidez-vous tous et toutes. Y a pas de liberté d'expression. Qu'on s'encule les uns les autres, c'est tout. Pour de fric. Allez travailler, trimer pour du fric, pour nourrir ta gamine, ton gamin. Tes chiottes, ton fiotte, ta fiente pourrie, là, anus, pour nourrir ta merde, ta progéniture. Nourris-la avec de la merde, des conneries et frappe-la plus fort. plus vite. T'es vraiment quelqu'un de formidable. Vous écoutez les émissions nuisances qui vous enculent, comme d'habitude, parce que vous êtes que de la merde comme moi. Ouais, je le dis, ouais. Et toi, t'es pas mieux. Tu as crevé comme une merde toute seule. Toute seule, la merde. Et toute seule, la merde, et elle crève. Toi, t'es une merde et tu as crevé comme une merde. Tout seul. Tout seul. Sans personne autour. Et tu sauras jamais ce que c'est que d'avoir vécu. Parce que t'es qu'une merde. Et tu revivras à jamais. Pour toujours. Tu vas mourir en enfer, sale raclure. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pour. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi en fait. Ta gueule. Ma gueule. Tant mieux. Bon débarras. Au bout, vous êtes de la merde. La merde puante, les vieilles, toutes cramoisies pourries sur le sol. Le bitume qui pue la merde aussi. Le cadavre purulent que vous êtes. De la merde, nous allons crever, enfin, enfin. Je fais ça bien. Accepter d'être une merde, hein, vous savez. Quand on vous le dit plusieurs centaines de fois, vous comprenez, quoi. À force. Comme le fric, quoi. Si tu veux du fric, il faut aller travailler. Alors tu vas travailler pour le fric et sucer des bites et lécher des chattes et des culs avec ta langue râpeuse parce que tu pues de la gueule, comme d'habitude. T'es qu'une merde. Ferme ta gueule. Travaille. Et bourre-toi la gueule le week-end et prends de la coke. Parce que t'es efficace et que tu pues pas comme tous ces lépreux de camé de merde. Tu es quelqu'un de bien, oui. Alors vas-y, bourre-toi la gueule. Et sois une merde, une grosse fiente dans ton cul, t'es cul. une merde puante. Tu vas chier à la bouche de tout le monde, parce que, sauf les keufs, parce que t'es quelqu'un de bien. Et t'es vraiment si bien que tu voudrais bouffer des billes et des chats de keufs. Mais tu peux pas, parce qu'il faut pas leur lécher le cul, sinon ils t'en mettent plein la gueule. Alors toi, ce que tu veux, c'est du fric et payer tes impôts, parce que t'es un gentil, t'es pas un méchant. T'es pas un méchant, tu sais, t'es quelqu'un de bien, ouais. Et tu vas vraiment y arriver dans la vie, tu vas faire une ascension sociale. Ascension sociale, ouais. Ce qu'on veut, nous, c'est du fric, parce que la vie, elle est belle quand t'as plein de fric. Ouais, ouais, la vie, elle est belle quand t'as plein de fric. Ouais, ouais, la vie, elle est belle quand t'as plein de fric. La vie, elle est belle quand t'as plein de fric. Plein de fric, plein de fric, plein de fric, plein de fric, plein de fric. La vie, elle est belle quand t'as plein de fric. Plein de fric, plein de fric. Fric, fric, fric, fric, fric, fric, fric. Du fric, donne-moi du fric, que je baise mon fric, ouais. L'autre jour, j'étais dans un bar, t'as vu, mais ils avaient pas de fric, alors ils m'ont laissé choir. Tu vois, ils m'ont laissé choir. Ben, ceux-là, et celle-là, au goulag. Les riches et riches, au goulag. Tuez-les tous et toutes, et leurs enfants, vite, avant qu'il ne soit trop tard. Tuez-les, tuez-les. Tuons-nous, la France est un pays riche, tuons-nous, tuons-nous, tuons-nous. Oui, hein, c'est bon de mourir avec une bite et une chatte dans le cul. Faites des enfants, c'est important. C'est vraiment si important qu'il faut en faire, tu sais, parce que comme ça, la race humaine de merde, la sale espèce pourrie de race humaine de merde pourrite, eh ben elle continuera pour toujours, tu vois. Et comme ça, j'aurai un Blackberry pour Noël, parce que j'aurai un gamin avec mon papa et ma maman. Et mon père, un Blackberry, ouais, un portable à 800€. Allez vous faire enculer, j'en ai pas besoin, je m'en fous, je te casse sur le bout du mur de la dorade parce qu'il y a des bâtards qui ont voté écolo alors que moi je suis UMP. Voilà, allez vous faire enculer. Ben, enculez-les, enculez-les, enculez-les, les enculés. Enculez-les, les enculés, les enculés, enculez-les. Enculez-les profonds, c'était gros bâtards de merde. Niquez leur fric et bouffez-leur la gueule et bouffez-leur la bite. Ouais, et la chatte aussi, pour leur prendre leur fric à ces bâtards. Et faut pas qu'ils sachent, parce que c'est de la merde pourrie en boîte, et ils savent pas ce qu'ils font. C'est que de la merde, ils niquent tout le monde. Alors, niquez-les, les enculés. Niquez les enculés, les bâtards de foutre, Dieu de Cyprien pourrite. Ouais, vous êtes de la merde et les riches ont des enculs. Allez dans votre boîte pourrie en buvant votre vodka pourrie parce qu'elle est moins chère que le whisky. Vous êtes de la merde pourrite, de la merde pourrite, ouais. Alors crevez, crevez, ouais, crevez, crevez les abcès pourriants que vous êtes. Crevez les abcès pourriants que vous êtes. Vous êtes de la merde, crevez, allez vous faire enculer et vous m'entendez même pas et je vous encule, ouais, ouais. Que je me rapproche de toi. Ah non, justement, on n'entendra pas en fait. et faites-vous une raison, soyez de la merde. De la merde moite et molle. C'est ce que tu fais, t'es qu'une merde pourrie qui vaut rien. Ouais. Va te faire enculer par tes parents et ton patron et l'État. Parce que j'en ai rien à foutre de toi, parce que t'es qu'une merde, une grosse merde pourrie. C'est ça la société de maintenant. On dit aux enculés rien du tout parce qu'ils ont plein de fric. Et nous, ce qu'on veut, c'est du fric. Alors on ferme notre gueule. Le bâtard de merde pourri, le bâtard de merde pourri. Ouais. Allez vous faire enculer, trimer comme des merdes, pour rien. Pour élever vos enfants, mon cul, vous avez pas besoin de fric pour élever vos enfants. Vous avez besoin de vous, et vous avez même pas vous, parce que vous êtes des esclaves. Des esclaves de vous-même. C'est même pas vous qui êtes esclave de vous-même, en fait. C'est un autre, c'est ça, hein. C'est pas vous, vous êtes pas comme ça, vous. Crevez. Hein, que vous êtes pas comme ça, vous êtes mieux que ça. Vous êtes meilleur. Vous êtes des bons. Vous êtes pas des gens cons, vous êtes des gens bons. Espèce de mouton pourri, crevez les apes, c'est purulent que vous êtes. Allez vous faire enculer par les flics et la douane et tous ces enculés de bâtards plein de fric. Ouais, allez, prends-toi un gote dans le cul par Hollande, par Sarkozy, par Obama, par tous ces enculés de bâtards, c'est la même chose. C'est du fric, c'est tout ce qui parle du fric. Et vous le savez même pas, vous êtes que de la merde. Alors crevez seul en grande souffrance. Vous êtes des merdes pourrites. Et vous le savez même pas, et vous dites que c'est les clochards qui sont des merdes pourrites. Vous avez vu vos gueules de bouffons. Bah crever, sale bouffon de merde, plein de fric, tu vas crever tout seul et t'auras rien à la fin et tu recommenceras pour toujours, ouais, cloué à ta croix de fric, faite de fric, d'or, d'or, l'or, dormir sur l'or, c'est bon, ça. Comme Walt Disney, c'est Picsou en fait. Il nage dans l'or. Il adore l'or. Il se branle sur l'or. Et franchement, il s'en fout dans le cul l'or. Et on l'encule. Comme mon papa. Tu peux l'enculer, mon papa. C'est qu'un bâtard pourri. Mon papa, c'est qu'une merde. Et ma maman aussi. Alors nique-les, tue-les tous. Tous les deux, tue-les tous. Tous les parents, c'est des bâtards. Tuez-les tous. Tuez-les! Tuez-les! Où c'est que t'as vu de l'espoir, bouffon? C'est mon idée, c'est moi qui commence, c'est moi qui décide, tais-toi. Alors, je prends le vide voilà, de la je tour. Je présente okay, Julien, c'est un enculé. Ta gueule. Ça c'est moi, c'est un enculé. Autrement aussi. Dit, va chier, c'est ça. Va crever. L'abcès absconce me résout, là. Et si je ne veux pas me taire, pas fermer mon clapet, pas tuer mon humeur. Ouais, c'est une bouffonne. Mais bien l'odoriférante émancipation, comme de l'heure à maintenant à pied. Allons donc, Manny, dépeins, traversez les cités, prenons la tangente par la diagonale. Partons donc, guéris du père, sans l'erreur dans l'ouverture des directions préfabriquées. Mais où allons quand la passion déblatérante ignore l'insipide réaction aux tueries? Soleil! Soleil! Soleil! Soleil! Soleil! Soleil! Soleil! Soleil! Soleil! Soleil! Soleil! Soleil! Soleil! Soleil! Soleil! Soleil! Soleil! Soleil. Soleil. Soleil. Soleil. Soleil. Soleil. Dans ton cul. Soleil. À pieds joints, mains liées, j'ai jeté mes paupières. Lève leurs murailles et mes pions piliers à passer les frontières. En arrière, la literie avance sur le tas de marques sauvagement atrophiées. C'est la danse des étiquettes, des édredons, valses d'oreillers. Ouais, ma gueule. Cavalier sans tête, reine emprisonnée, je te tuerie. Gives a fuck, really? Gives a fuck. Gives a fuck. Sup? How much is there? Going on like hell. Gives a fuck, I don't think so. It's not gonna happen. Ça n'arrivera jamais. Il n'y a pas d'issue précipitée. Si la voie est faite de troubles infernaux, comme diffamation infernale. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ouais. Il y a une possibilité pourtant de mourir en paix. En pétant du cul comme la merde qui est collée au trou de balle de ces enculés qui nous chient sur la gueule, tous ces bâtards, tous ces fils de pute qui ont crevé de merde, qui ont crevé la merde, l'abcès, et vont bouffer le pu de nos insanités. Insanities everywhere, they're fucking it all, they're fucking hell, they're fucking themselves, they don't give a shit anymore, who cares anyway. Never gonna happen anyway. Light is everywhere. I can see through my eyelids, and I don't give a shit. Memory serves. Whatever's gonna happen is not gonna happen to us. It's gonna happen to it. It's the stupid thing we are. Stupid shit. I don't give a fuck anymore about anything but yourselves, you stupid fuck. Don't you ever realize what's happening to your stupid goddamn motherfucking asshole? Your assholes are rotten in hell from the shit you're spewing in this funny world you've made. You made it all shit. You made it all shit and you know it. You know you're gonna die. You know you're gonna die. You know you're gonna go to hell, man. Fuck. Then you're gonna die of hell. Damn. How can you shower so fast? I've never showered in a whole goddamn life so fast. Take baths. Baths. Baths. It's all going on. Never stopping. You must be prepared. Measures are all served. Death will serve the purpose. Death will serve the purpose of hell, and hell is everywhere, but in your place, you know what you want. You know what you wanted. You know what you needed. You know what you needed. But if you get those things, well, you just stop. You read the shit. You've been doing it for years. Yeah, you never. It's all this beer I put in my fucking ass with the bottles in it. They're all breaking up and they're all swerving. Swerving. Blabbering and blubbering against the wind. Because it's always been there, it's always been. And it'll never be the same ever. So pleasure is death. Death is pleasure. We will all die of pleasure and pain. And we will all be happy in this way. Public, elle ne fait que discutailler même, taillance de la pierre dans ta vie de face, va démembrer les ossements du placide entre. L'altère, l'égotisme, les merdes. Tout se mélange dans ta face de rat. Tous, ils vont crever la merde. Ils vont crever l'abcès. Ils vont crever leur merde. Ils vont bouffer leurs chiottes. Cassant les mailles, des dents. Sur la face ratée de leur pauvre existence. Ils sont morts. Ils sont déjà mourants. Ils se frappent. Briqué dans la face de mon entrebéant. Je vois l'entrebéant. Les yeux ne sont pas. Ainsi va la vie. Qu'à la fin, elle se brise en mille écharpes de nuit, croulante sous le poids de la viscosité qui est là. La lassitude, même qu'elle est là. Toujours là, la viscosité. Humus, rectal, rectal humeur, rectal immense. De la fétide à l'inspiration. Toujours venant. De loin, profondément, quand les choses sont, elles sont comme elles sont, les choses démentiellement, ainsi elles font et toujours refont les mêmes entrebéants dans la phase de rat que je suis, et je ne vois toujours pas l'ego sur une mort annoncée, celle de la merde. La merde va mourir, elle va mourir de trous, de trop de trous dans la phase de rat. Possibilité de rater la vie possible. Devons le vouloir, rater nos vies, sacrifier nos êtres, pouvoir être nul, à chier. Il faut le vouloir pour être nul. Il faut vouloir pour ne pas chier sur la vie. Pourtant, nous chions sur la vie, donc nous sommes nuls, et donc nous voulons être nuls, donc nous sommes à chier. Et nous allons tous mourir. Heureusement, il y a l'anus. L'anus doré qui crème. Oh, no.